Grosse, grosse nouvelle dans le monde de la F1 pendant qu'au Québec, c'est le tremblement de terre avec le congédiement de Marc Bergevin. Ben, le monde vire pareil, là. Et il y a une grosse nouvelle que je trouve dommage qu'on n'en parle pas au Québec. C'est sûr qu'on est en éclipse médiatique, mais quand même, c'est le décès de Frank Williams à l'âge de 79 ans. On en parle avec celui qui est l'éditeur du magazine Pole Position, Philippe Brasseur. Bon après-midi, Philippe. Oui, bon après-midi. Philippe, c'est une grosse nouvelle. Je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas au Québec. On est en éclipse médiatique, je comprends ça, mais quand même, tu sais, t'es dans le domaine des médias. Tu sais très bien que Frank Williams au Québec, c'est pas rien, là. Si, c'est quand même lui qui a fait confiance en Jacques Villeneuve et qui a réanimé la fièvre de la course automobile au Québec. Oui, absolument. Puis je dirais que c'était pas tout le monde qui était prêt à engager Jacques Villeneuve à l'époque où Jacques, même s'il avait gagné l'Indy 500 et le championnat IndyCar, pour beaucoup de monde dans le milieu de la Formule 1, pour eux, l'IndyCar, ça vaut pas nécessairement les formules de promotion de la Formule 1. Et donc, c'est vrai que lui était un de ceux qui croyait justement à Jacques Villeneuve. Et donc, on a vu ce que ça a donné avec le titre mondial en 97. Mais c'est vrai que Frank Williams, oui, c'est un personnage parce que c'était peut-être un peu le dernier des artisans, je dirais, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui ont connu toutes les étapes de la course automobile avant d'arriver à la Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, la Formule 1, dans le fond, quand on regarde, c'est ni plus ni moins que soit des manufacturiers automobiles comme Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Renault avec Alpine, ou des multinationales comme Red Bull avec ses deux équipes, donc Williams, ou maintenant Dorelton Capital qui a acheté l'écurie Williams. Mais Williams, c'est un peu la dernière écurie, je dirais, privée en Formule 1. OK. Qu'est-ce qu'on retient de Frank Williams? Je regardais 16 championnats. C'est évidemment, ça inclut constructeur, mais manufacturier également pilote. C'est pas entre 1970 et 1997. Donc, c'est vraiment été, écoute, c'était une époque où c'était vraiment une dynastie là, de la F1. Exact. Mais en fait, on peut dire que son écurie a vraiment pris le nom Williams à partir de 1975, avec Et 1977 où il a fait rouler des châssis March sous son nom d'équipe, mais pas ses propres voitures. Mais lui, en tant que personne, est effectivement impliqué depuis 1970. C'est-à-dire que c'est un ami à lui qui s'appelait Pierce Courage, qui était meilleur pilote que lui et qui est arrivé comme ça donc à gravir les échelons du sport automobile. Et Frank Williams, en tant qu'équipe, en tant que préparateur, chef d'équipe, donc a accompagné Pierce Courage en Formule 1. Et malheureusement, Courage est mort dans un accident en course au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort en 1973. Mais Frank Williams a continué. Et par la suite, donc, comme je disais, en 75, l'écurie a porté son nom. On peut retenir que c'est un bonhomme qui, dans le fond, si on regarde l'année 2020 où son écurie a été vraiment vendue, et outre le fait que c'était sa fille Claire qui avait quand même pris en charge le quotidien de l'équipe, sinon c'est un bonhomme qui a quand même passé 45 ans dans le monde de la Formule 1. Et je dirais que, à part Bernie Ecclestone, qui a encore des petites ramifications là, un peu partout, sinon il n'y en a pas d'autres que lui. Même Enzo Ferrari, dans le fond, Enzo Ferrari a été en Formule 1 depuis la création de l'écurie en 1950 jusqu'à son décès en 88. Mais Frank Williams en aura fait plus encore des années de Formule 1 que tous les autres. C'est vraiment des championnats incroyables. Avec Alain Prost, il y a eu également, il y a eu de grands pilotes sur sa gouverne. Alain Prost, Ayrton Senna également qui est courageux. Je pense que même il était chez Williams quand il y a eu son accident, hein? Oui, exact. Ben Ayrton Senna, je dirais, c'est un peu le rêve inachevé pour Frank OK. Williams, parce que c'est vrai que Frank Williams a été le tout premier à faire un test d'une Formule 1 à Ayrton Senna, qui à OK. l'époque était en Angleterre en Formule 3. Et puis par la suite, ben, ça ne s'est pas fait. Et donc, Senna est allé dans d'autres écuries, y compris McLaren, avec qui il a été champion. Et puis finalement, Frank Williams avait réussi à l'engager pour la saison 94. Et on a vu ce que ça a donné, malheureusement, avec l'accident à Imola. Mais c'est vrai que tu l'as dit, Frank Williams, bon, c'est des titres pilote et manufacturier. Parce que dans le fond, il y a 9 titres des manufacturiers, mais il OK. y en a 7 des pilotes aussi. Avec le tout premier, c'est Alan Jones, d'ailleurs, qui on en parle, petite plug sur poleposition.ca. Pas de problème. On a un article là-dessus avec Alan Jones qui avait été champion du monde en 1980 au circuit Gilles Villeneuve parce qu'à l'époque, le Grand Prix du Canada avait lieu à l'automne. Et donc, c'est vrai que ça avait eu lieu en 80, le tout premier titre mondial des pilotes pour l'écurie Williams. Il y a Adrian Newey qui était également, puis Jacques Clear aussi, qui ont été quand même. Ben moi, je suis plus avec l'époque de Jacques, mais Adrian Newey a été un de ceux qui a contribué au succès également de l'écurie Williams. Hein? Oui, et Adrian Newey était peut-être celui qui était le plus opposé au recrutement de Jacques Villeneuve. OK. Adrien Newey, on ne sait peut-être pas beaucoup, mais c'était loin d'être quelqu'un qui voyait du bien, je dirais, en Jacques Villeneuve. En fait, le recrutement de Jacques Villeneuve, il s'est fait un petit peu parce que le monde de Renault était allé voir une course d'IndyCar, série Kart à l'époque, puis ils ont dit ce pilote-là, ça nous le prend. Et ils ont d'une certaine manière convaincu Frank Williams et Patrick Head, qui étaient le partenaire d'affaires de Frank Williams depuis les tout débuts, que oui, il fallait faire au moins un test à Jacques Villeneuve. Et il y a du monde comme Adrian Newey qui n'était pas nécessairement à 100% d'accord, qui préférait qu'on garde David Coulthard, qui à l'époque était le pilote, qui était le Ouais. coéquipier de Damon Hill dans l'écurie. Et c'est vraiment Williams qui s'était laissé convaincre, qui en avait même parlé pour la petite histoire à Bernie Ecclestone, qui lui voulait convaincre Rothmans, la manufacturier de tabac Rothmans, de dire mettez de l'argent sur Jacques Villeneuve parce que oui, c'est un tout bon, il va Le gagner. nom Villeneuve résonnait encore en F1 aussi, là. C'est là que probablement Jacques, quelque part, il a gagné ses galons, mais c'est là que le nom Villeneuve, fils agile, ça l'a aidé, là. Probablement, au moins d'avoir un essai. C'est sûr, puis en même temps, Frank Williams, c'était quelqu'un, quand on regarde l'historique de Frank Williams, pour lui, il voyait un champion du monde de Formule 1 comme un pilote qui allait aller moins vite l'année d'après. C'est un petit peu sa logique, parce que dans le OK. fond, quand on regarde, à part Alan Jones, qui est resté avec l'écurie Williams après avoir été champion du monde, Nelson Piquet, il l'a poussé assez vite vers la porte de sortie. Alain Prost, Nigel Mansell, d'abord, avant Alain Prost, il l'a poussé vers la série Kart. Damon Hill. Damon Hill aussi, absolument, a été Ouais. poussé la porte de sortie vers une petite équipe. Et donc, je dirais pour Frank Williams, c'était vraiment toujours d'avoir des nouveaux pilotes et donc de tester un petit peu des nouveaux pilotes comme ça, en qui il faisait confiance, un peu comme on l'a vu quelques années plus tôt avec Enzo Ferrari. Je veux dire, Enzo Ferrari a engagé Gilles Villeneuve, mais aussi d'autres pilotes qui n'avaient pas forcément un très gros palmarès. Et Williams était un petit peu dans cette mentalité-là, je dirais. OK. Dis-moi ces dernières années. C'est sûr que je suis moins ces dernières années. C'est un écurie qui était de fond de gris. C'est un écurie, écoute, les manufacturiers sont rentrés en ligne de compte. Comment lui a vécu ça ces dernières années? Lui qui était habitué d'être un gagnant, ça n'a pas dû être facile. Là. Ça n'a vraiment pas été facile parce que, dans le fond, lorsqu'il y a eu le partenariat avec BMW, Ouais. Frank Williams s'attendait à redevenir l'écurie dominante. Puis ce OK. partenariat avec BMW, ça ne s'est pas passé comme prévu. BMW est parti chez Sauber par la suite. Puis c'est vrai que les pilotes qu'ils avaient, ils avaient des Juan Pablo Montoya, il y avait des Ralf Schumacher et tout ça, il y avait quand même de très, très bons pilotes. Et ça a été vraiment, je pense, le début du véritable déclin de l'écurie Williams. On parle beaucoup que c'est après le titre de Jacques Villeneuve qu'il y a eu un déclin. C'est vrai, mais malgré tout, l'écurie Williams, à ce moment-là, était encore à la ligne de mire des manufacturiers automobiles. Et après l'épisode d'échec avec BMW, et je dirais que ça a affecté beaucoup, beaucoup Frank Williams, cet épisode-là, parce que là, il voyait vraiment qu'il redevenait une écurie privée face à des manufacturiers qui étaient de plus en plus présents en Formule 1. Donc, je dirais que le déclin, il est vraiment là. Le divorce avec BMW. OK, donc regarde la série Drive to Survive, sa fille a beaucoup moins de panache, hein? Beaucoup moins respectée, je pense, dans les paddocks que l'était Frank Williams. Est-ce que je me Tout à trompe? fait. Oui, non, tu as tout à fait raison. Je dirais Claire Williams. Ouais. Claire Williams, elle a été engagée par son père pour en tant que responsable média de l'écurie, gérer les communications de l'écurie. Et puis après, elle a été promue vraiment directrice générale de l'équipe, mais c'est certain qu'elle n'avait pas nécessairement les contacts. Je dirais aussi peut-être la facilité d'aller vendre certaines idées à des manufacturiers automobiles pour créer des nouveaux partenariats. Donc ça a été un élément très Le négatif. TAC aussi, peut-être? Oui, absolument. OK, Absolument. hein? Oui, OK. tout à fait. Donc, décès de Frank, c'est un peu particulier qu'on n'en parle pas au Québec. Hein. C'est sûr qu'on est en éclipse médiatique. Philippe, tu es dans le domaine des médias comme moi. On est capable de comprendre ça, mais c'est quand même pas rien. De juste dire la nouvelle, là, c'est quand même pas rien. Parce que, comme je te dis, on a vécu des belles années en F1 et grâce à Jacques Villeneuve et un peu grâce à Frank Williams également. Je trouve ça dommage un peu, mais regarde, on est au Québec, faut pas s'attendre à n'importe quoi. C'est sûr. Ben, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu Jacques Villeneuve, juste Jacques Villeneuve. Hein. Il y a eu Lance Stroll et puis même Nicolas Latifi. C'est les trois pilotes canadiens, dans le fond, les trois Oui, néo. mais si Frank Williams n'a pas confiance en Jacques Villeneuve, on vit pas ça, là. Absolument. Tu sais, je trouve ça dommage un peu, au-delà de que c'est quand même c'est d'une légende, c'est pas un personnage, c'est une légende de la F1 qui l'a quitté, puis c'est encore assez populaire la Formule 1. Tout à fait. Deuxième point, je veux te parler de Drive to Survive, la série Netflix. On disait la semaine passée, ben, tu es un amateur de l'émission de Jeff Fillion, d'ailleurs, tu collabores de temps à autre. Jeff, il disait que Drive to Survive, ça a tellement été populaire aux États-Unis que ça a dépassé la popularité de la NASCAR. Et à quelque part, est-ce que tu es surpris? Moi, pas tant que ça. Puis je suis pas prêt à dire que c'est. Oui, Drive to Survive a contribué beaucoup, beaucoup, beaucoup à la popularité de la F1. Sauf que j'en parlais souvent avec Patrick Carpentier. Des courses de 4 heures en NASCAR, c'est beaucoup trop long. Et ça doit avoir un lien direct aussi. Direct. C'est certain que Jeff a raison quand il dit que la Formule 1 a dépassé la NASCAR, c'est-à-dire que c'est une clientèle qui est différente aussi, que c'est une clientèle beaucoup plus jeune qui s'est Ouais. intéressée à la Formule 1. Netflix. Oui, puis on l'a vu à Austin. À Austin, les estrades étaient pleines. Il y avait plus de monde à Austin pour le Grand Prix de Formule 1 que pour la course de NASCAR Cup au mois de mai. Les conditions climatiques n'étaient pas les mêmes non plus parce qu'il y avait mouillé pour la course de NASCAR, mais malgré tout, en termes de billets vendus, c'est Côté du certain. Mexique aussi, ça aide aussi, Oui, tout à fait. Mais ça, le Mexique, bon, il y a un pilote comme, qui s'appelle Sergio Pérez, qui est une idole là-bas, donc ça aide là. Ouais. beaucoup aussi. Il faut regarder que les États-Unis, on a été capable d'amener, de remplir les estrades d'un Grand Prix des États-Unis sans qu'il y ait de pilote américain en Formule 1. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que traditionnellement, les Américains, ils s'y intéressent quand il y a un de leurs sportifs, on va dire comme ça, qui est dans la game. T'sais. Ouais. Alors qu'ici, on a été capable juste parce que c'était la Formule 1. Et c'est vrai que l'effet Drive to Survive a joué beaucoup. Maintenant, c'est sûr que Drive to Survive, il y a beaucoup d'affaires qui sont un peu trop scénarisées à mon goût. Là, Ouais. on ajoute du drame un petit peu, mais en même temps, ce n'est pas grave parce que je dirais que d'une certaine manière, c'est quand même, ça respecte quand même la Formule 1 et on n'est pas non plus dans une fiction complète. Donc, je dirais que c'est intéressant. Puis, c'est vrai que moi, j'ai espoir avec notamment un Grand Prix de Miami l'année prochaine, deuxième Grand Prix aux États-Unis. Ouais. Ce que j'entends parler, c'est que Roger Penske, qui s'est porté acquéreur de l'ovale d'Indianapolis, voudrait ramener la Formule 1 Oui, j'ai entendu ça d'Indianapolis. aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'avenir. Puis n'oublions pas, Liberty Media, le promoteur aujourd'hui de la Formule 1, c'est une compagnie américaine. Donc, Ouais, c'est sûr qu'il y a de effectivement. l'avenir pour eux. Dernier point, comment tu vois les deux derniers Grands Prix? Est-ce que le fait qu'Hamilton est un expérimenté de la pression, connaît la pression, ça pourrait être un avantage sur Verstappen? Je pense que ça aurait pu être un avantage si on allait sur deux circuits que les équipes connaissent très, très bien. OK. Le fait que la course d'en fin de semaine en Arabie Saoudite, les équipes n'ont pas vraiment donné, oui, il y a de la simulation qui est faite, mais il n'y a aucune donnée vraiment de quelqu'un qui a fait la piste avant. Ça fait en sorte que l'avantage que pourrait avoir Lewis Hamilton, il est réduit à néant. Et n'oublions pas que c'est Verstappen pour l'instant qui est encore en tête du championnat. Donc, je dirais que tout va se jouer, selon moi, en fonction du résultat de la course en Arabie Saoudite cette fin de semaine. Puis c'est vrai que oui, ça peut encore se décider l'autre fin de semaine à Abu Dhabi. Mais mon feeling, c'est que Verstappen a peut-être un petit avantage pour l'instant. Philippe, merci beaucoup d'avoir frappé en relève de Patrick Carpentier. Je ne sais pas ce qui se passe avec Pat. Il faudrait peut-être avoir des nouvelles, mais au plaisir de se parler, puis on va sûrement se reparler un autre tantôt. Ça m'a fait super plaisir. L'éditeur du magazine Pole Position, vous pouvez également aller sur le site poleposition.ca, Philippe Brassard. Merci Philippe, gros merci. Hey, pourquoi pas un podcast? Il y a à peu près 800 podcasts dans hockey, mais en F1, il n'y en a pas. T'en connais-tu, toi, en fait, un podcast F1? Non, je vais t'avouer que j'ai été approché en début d'année par du monde de 98.5 qui voulait en faire un, puis finalement, ils espéraient eux, de la commandite de la compagnie de bière qui Okay. commandait la Peroni, puis ça ne s'est pas fait, et finalement, ils ont abandonné l'idée. Et en fin de compte, non, à ma connaissance, il n'y a Il n'y personne a qui connaît. personne qui fait de même enfant. Ben toi, de la manière que ton expression, tu es français, j'imagine. Non, pas pantoute. Ben, écoute, moi, ça fait 32 ans que je vis au Québec. Donc, Puis, je suis d'origine du Luxembourg. OK, du Luxembourg. Fait que tu ne connais pas un podcast français, tu connais un bon podcast français. Même pas. C'est assez bizarre Écoute, pareil. honnêtement, la seule chose que je connais de la France, c'est les 24 heures du Mans, parce que j'y suis allé Ouais. 30 fois, OK. mais sinon, je ne connais vraiment pas les médias français, non. Bon, ben merci beaucoup, Philippe. Merci. Bienvenue, merci C'est à bon, toi. salut. Bye.